vous remercie pour cette invitation et pour me donner l'occasion de témoigner un petit peu. Je vais peut-être donner l'impression de cracher dans la soupe, puisque je vais dire tout le mal que je pense d'un système auquel je participe activement, système que les autorités, certaines autorités du CNRS valorisent, et système qui m'a valu en grande partie mon passage comme directeur de recherche au CNRS cette année. C'est-à-dire l'obtention de deux financements, l'un national de l'ANR, 150 000 euros, et l'autre européen de 1,3 million d'euros sur 5 ans, l'année dernière. Pour rappel, je suis historien du Moyen-Âge, spécialiste historien du monde musulman médiéval et plus particulièrement du Maghreb au Moyen-Âge. Je suis rentré au CNRS en 2001 comme chargé de recherche deuxième classe, je suis passé CR1 comme en 2005 et puis je suis devenu directeur de recherche en 2011. Je vais faire des remarques plus particulièrement évidemment sur la partie financement européen, mais avant de rentrer au CNRS, j'ai eu un parcours qui rétrospectivement paraît sans faute, mais que je n'ai pas vécu comme ça, puisque j'ai alterné des allocations de monitorat pendant 3 ans, 2 ans à la Casa de Velázquez à Madrid, et puis deux à terre, dont un demi à terre et à Poitiers, et là c'était plus délicat, et on est vraiment, sur le moment, j'ai vécu ça quand même comme une précarité assez grande, puisque j'ai dû revenir un peu habiter chez mes parents, vu ce que j'étais payé. Mais rétrospectivement, et puis quand on voit comment ça se passe aujourd'hui, on se dit que finalement, en plus j'avais un filet de sécurité qui était l'agrégation, donc je ne me suis jamais demandé si j'allais avoir un problème pour finir mes fins de mois globalement avant de rentrer au CNRS. Pour les financements, je n'ai guère tiré directement profit à titre personnel de l'ANR, du projet ANR. En revanche, j'avais un ami marocain qui travaillait sur des thèmes voisins des miens. Lui a obtenu, grâce à ce financement ANR, un postdoc de 3 ans. Et en fait, j'ai monté le projet ANR en grande partie en vue de lui financer sa recherche postdoctorale, parce que c'est un chercheur de grande qualité, mais qui n'avait aucune possibilité de se faire recruter ni au CNRS ni à l'université en France. Et ensuite, évidemment, s'est posé la question sur ce projet ANR qui était pour 4 ans, mais en fait qui n'a financé son poste que sur 3 ans, d'une suite. Et du coup, je me suis tourné sur les projets européens dont j'avais noté que c'était essentiellement des étrangers en France. Je pense à Christian Müller à l'IRHT, Petra Sipierstein à l'IRHT aussi, John Tolan à Nantes. C'était des étrangers qui présentaient ces projets européens et ils les obtenaient. Le CNRS accorde une prime qui se monte à 800 euros par mois, ce qui est relativement conséquent. Hicham El Laoui, qui était donc le postdoc que j'avais recruté à l'ANR, est reparti sur un postdoc de 5 ans. Et j'ai d'autres CDD chercheurs qui travaillent ou en ingénieurs d'études qui travaillent dans le cadre de ce projet. Donc, le projet européen est financièrement et statutairement, institutionnellement, une aubaine pour le chercheur. Pourtant, malgré cet aspect individuel qui m'a valu des invitations à présenter ce parcours, je suis très critique pour un certain nombre de raisons que je vais développer rapidement à partir de mon exemple et à la suite de discussions avec d'autres chercheurs qui sont dans mon cas. Alors, premier point, c'est que pour entrer au CNRS, j'ai présenté un programme de recherche qui m'a valu d'être recruté. Or, c'est sur ce même programme que j'ai obtenu mon financement ANR, et c'est sur ce même programme que j'ai obtenu mon financement européen. Alors, le programme que j'ai présenté initialement au CNRS était démesuré par rapport à mes capacités personnelles, ce qui justifiait que je puisse présenter des projets, des demandes de financement. Et le seul programme original par rapport à ce projet que j'ai essayé de monter s'est soldé par un échec. J'avais candidaté pour une ACI. Je ne me souviens même plus ce qu'on obtenait avec une ACI, mais c'était les actions concertées, incitatives, et ça avait été un échec. Donc je me suis dit qu'il valait mieux faire le projet qui marchait plutôt que d'essayer de faire des choses originales. Mais ce qui veut dire que c'est en répétant dans des formulaires, chacun très différent l'un de l'autre, le même programme, en le déconstruisant, en le recomposant pour les besoins spécifiques des programmes que j'ai visés, que j'ai obtenu mes financements. Un mois de préparation pour rentrer au CNRS, et puis entre la CI, l'ANR et le RC, à chaque fois, c'est 1 à 2 mois de travail, de construction de projet, soit sur 9 ans de recherche au CNRS, 5-6 mois à temps complet pour préparer les dossiers. C'est pas énorme, mais quand on y ajoute les rapports normaux, statutaires, annuels du CNRS, les rapports biannuels du CNRS, enfin tous les 2 ans, et les rapports quadriennaux du CNRS, tout ça qui sont statutaires et qui sont normaux, mais les rapports de mi-bilan de mi-parcours, les rapports de bilan de mi-parcours pour l'ANR et les rapports de bilan pour l'ANR, c'est-à-dire deux rapports supplémentaires, et les feuilles d'activité à remplir tous les mois pour les membres, chacun des membres du projet européen, on passe rapidement à plus de 10% du temps de recherche consacré à ces différents projets. À cela s'ajoute l'aspect très désagréable qui est la suspicion qui existe qu'on détourne, parce que c'est moyen de vérification, cette demande de vérification. Et étant donné l'ampleur des sommes qui sont octroyées à des individus, même si je n'ai pas la signature et qu'il y a un directeur de laboratoire qui a la signature sur les sommes que j'engage, il y a une suspicion permanente, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire nos preuves pour nous donner l'argent, mais ensuite il y a un contrôle qui est omniprésent. Et on peut le comprendre, puisque avec le projet européen, je maîtrise l'équivalent de 15 à 20 années de contrats doctoraux ou postdoctoraux à dépenser sur 5 ans. Et c'est dire quand même le pouvoir que donnent ces financements à un individu. Donc un grand pouvoir décisionnel et financier qui justifie d'une certaine manière les contrôles et en même temps, du coup, une paperasserie, une bureaucratie énorme. En attendant, pour ceux qui dirigent leur projet et qui font ça, c'est une tâche un peu, une paperasserie qui est assez désagréable. Le directeur des SHS du CNRS m'avait fait la remarque, justement, lors de la journée des nouveaux entrants, que c'était très bien, que j'avais changé de métier, que j'étais devenu un chef d'entreprise. Et évidemment, dans la hiérarchie des métiers, c'était une promotion, évidemment, de passer de chercheur fonctionnaire à plein temps à chef d'entreprise. Et ce n'était pas le métier que j'avais choisi, en étant bien conscient que j'avais eu la chance de pouvoir choisir le métier que je voulais. Et en plus que je n'avais pas le salaire d'un chef d'entreprise. Mais le problème, c'est que ce système me contraint moi-même à adopter des rythmes qui ressemblent beaucoup plus aux leurs. Voilà. Alors, je passe à la partie sur la manière dont j'incite les chercheurs titulaires à demander des financements européens et la manière dont je résiste à titre personnel. D'abord, je ne recrute que des personnes précaires, mais cela va sans dire, parce qu'il y en a de plus en plus, et c'est facile, mais j'essaie de prendre les précaires parmi les précaires, c'est-à-dire les non-normaliens, non-agrégés, des gens qui ont du mal à rentrer dans l'institution française, même si elle n'est pas fermée. Ensuite, le deuxième point, c'est que j'insiste les chercheurs recrutés à travailler, à développer leur propre projet de recherche, soit la publication de leur thèse, soit la rédaction d'articles liés à leur thèse, et la participation à mon projet se fait sur la base du volontariat. Et dans tous les cas, les productions du projet, les publications se font en nom collectif de tous les membres du projet. La tâche que je m'assigne à moi-même est d'arriver à valoriser ce qui va être fait en 5 ans pour permettre un renouvellement des financements pour tous ceux qui n'auront pas été casés entre-temps.